Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space sur Radioactive à Toulon. À l'instant, c'était le concert Joy Division, ce magnifique groupe qui aura donné ensuite New Order et qui reste quand même maintenant, bien des années après, bientôt 40 ans, qui reste un des groupes les plus fondamentaux de la musique rock. N'ayons pas peur des mots. Vraiment, je sais quoi dire de plus pour vous vendre le truc, mais bon, maintenant c'est fait, le concert est passé. Et on y reviendra vraisemblablement un autre jour. L'émission pour autant ne s'arrête pas, ça continue, il nous en reste encore pas mal de temps à passer ensemble. On va passer sur une période un peu plus musicale, entrecoupée de lectures de textes d'un magnifique polar qui s'appelle Homicide Special, qui a été écrit par Miles Corwin, qui est un polar, on va dire, tendance réaliste, qui va nous plonger dans le quotidien des inspecteurs de Homicide Special, qui est en fait une brigade d'inspecteurs de la police de Los Angeles qui ne s'occupe que des meurtres de célébrités. Et on va découvrir tout ça ensemble. Thank you. C'est un vendredi après-midi d'août, brûlant, brumeux. Un lieutenant de la brigade criminelle spéciale du centre-ville de Los Angeles reçoit le coup de fil d'un inspecteur de North Hollywood. « J'ai peut-être quelque chose pour vous, dit-il. On a eu un appel la nuit dernière à Studio City. Une femme russe abattue d'une balle en pleine poitrine, avec plein de capotes à côté. Probablement une call girl, un vrai canon. Avec un bonus en prime, le FBI avait mis son téléphone sur écoute. « Pourquoi ?» demande le lieutenant. « Je sais pas. C'est pour ça qu'on vous appelle. Vous la voulez ?»« J'envoie des gars dans l'après-midi. » Le lieutenant traverse la salle de la brigade et briefe les inspecteurs Chuck Knowles et Rich Howe. C'est le dernier jour pendant lequel ils feront équipe. Ils avaient espéré passer la nuit sans qu'un cadavre leur tombe dessus, mais Knowles est d'astreinte pour le week-end et le week-end a officiellement commencé à midi. Pas moyen de refuser l'affaire. Son nouveau partenaire est en vacances et ne débarquera pas avant le lendemain. Ce sera donc la dernière affaire criminelle que Knowles et Howe suivront ensemble. Harrow a 55 ans, un regard fatigué, une épaisse moustache noire, un visage profondément marqué par le soleil. Il est l'inspecteur le plus âgé de la brigade et sera bientôt à la retraite. Lundi s'ouvre le procès d'une affaire qu'il a récupérée il y a 2 ans, le meurtre d'un Hells Angels de 200 kilos, surnommé Large Larry, et de sa copine. Des mois coincés au tribunal. Après le procès, Harrow compte rester à la section criminelle juste le temps nécessaire pour élucider le triple meurtre guatémaltèque sur lequel il enquête depuis 1 an et demi. Ensuite, il raccrochera. I'll tell you a story about old me wise, how she was deluded by John Lewis's lies. Spring. He promised her money and many fine things. So fool like she met him at Adams this spring. No money brought her nor any fine thing. Go with me, little old. We'll go and get married and no one will know. She climbed up behind him and away they did go. But off to the river where the deep waters flow. Thank you. John Lewis, this I can't deny. I murdered little homie, for that I'm gonna die. Justice in this world, you know? Just got away with it just like that. We thought that was a particularly unsatisfying ending to the story. John Lewis just murders this girl and that's it. So we sent out our team of highly trained folk researchers. And they were looking high and low for the end of this story. Along the blade of an antique sword stick in the engraving. That wasn't it. And eventually they found it in a drawer in my house. The smoke from the battlefield drifted away. Corporal J. Lewis deserted the fray. He ran from the bullets, evaded arrest. He told his companions, I must get my rest. He told his companions, I dream every night. The faces of men I've dispatched in the fight. Their shades will approach me as I lie so still. They offer their hand, but they wish me no ill. They're shaking their heads now at something they know. For there is another still haunts me so. Her name was Naomi. Her life, it was brief. She was plain, she was homely, and destined for grief. She coveted riches, believed in my prize. She fell to her end in the water she lies. There were no farewell kisses, no tender embrace. She was guilty of something beyond avarice. She entered the waters and down she did flow. But they gathered her up and it troubles me. Not the account of her pitiful death. It's not her last pleading or her final breath. But when I consider how she once beseeched me, her face has no features, her tongue has no speech. So I'm here to tell you what Lewis did last. Ahead of the firing squad and trumpet blast, he broke through the glass through a lock of her hair. He dug up her grave, but the coffin was bare. Change, could I ask? ask you on a date. We've never kissed before, so it might be strange. And I know it's getting late. But honey, I'm tired of the wait. We're always having fun, some way, somehow, in everything we can relate. So would you be the one and tell me now, 'cause I won't leave it up to fate. Well, honey, I'm tired of the wait. Conscient qu'il s'agit probablement là de sa dernière affaire criminelle, Haro éprouve déjà une certaine nostalgie à l'idée de quitter la brigade. Au cours de ses 16 années de service à Homicide Special et avant cela, à l'époque où il était inspecteur divisionnaire, il a mené des centaines d'enquêtes de meurtres et en a résolu beaucoup. Un boulot passionnant. Mais il devient un peu vieux pour tenir éveillé toute la nuit sur une scène de crime, sauter du lit à 3h du matin après un appel d'urgence, bosser 24 heures d'affilée, se contenter d'un petit somme et repartir pour un tour. Il se souvient de son premier entretien à la brigade. Un inspecteur grisonnant, appelé Jigsaw John, s'était penché sur lui et lui avait demandé dans un souffle chargé de whisky canadien. « Tu parles une autre langue que l'espagnol ?»« Ouais », avait sèchement répondu Haro, qui savait que la brigade ne comptait qu'un seul autre inspecteur hispanique à la brigade, l'anglais. Toute l'assistance avait éclaté de rire, Haro avait été accepté au sein de l'équipe. Haro n'avait jamais été du genre diplomate. Quand il était entré à Homicide Special, tous les collègues qui l'embêtaient se faisaient invariablement traiter de lèche-cul. Lèche-cul, ou LC, devint son surnom et il en tira un plaisir pervers. À l'époque où le travail de la police n'avait pas encore été gagné par le politiquement correct, il tendait des cartes de visite avec les initiales LC gravées sous son nom. À présent, Haro pense faire figure de dinosaure, il craint que ses méthodes ne soient obsolètes. Quand il avait intégré la brigade spéciale, les inspecteurs passaient au crible le moindre indice, la moindre piste et n'importe quel fragment de preuve. Lentement, méticuleusement. Sa charge de boulot était alors plus raisonnable et l'autorisait à travailler à son propre rythme. Haro est convaincu que l'empressement et l'impatience des nouveaux inspecteurs recrutés nuisent à la qualité de leur enquête. And every time you crave for me, I'm here. And anything you hunger for, I'll share. And I will be quietly standing by while slowly I am dying inside. Knowles n'a intégré la brigade que depuis 9 mois. Il s'est épuisé pendant les 5 dernières années à enquêter sur des crimes à South Central LA. Il appartient à cette nouvelle catégorie d'inspecteurs en perpétuel sur-régime. Il a 44 ans, des yeux vert pâle, un regard difficile à interpréter, des cheveux châtains clairs très fins et une charpente solide qu'il doit à ses séances quotidiennes de musculation. Brutal, têtu et habitué à tout prendre en main, Knowles s'est déjà heurté à Arrow, l'unique partenaire avec lequel il est fait équipe au sein d'Homicide Special. Aucun des deux inspecteurs ne regrette de devoir mettre un terme à leur collaboration. Pendant que le lieutenant termine son briefing, Arrow se demande si cette affaire lui prendra toute la nuit. Il ne compte plus le nombre de fois où il est rentré chez lui à l'heure où sa femme se réveillait. Voilà un des aspects du boulot qui ne lui manquera pas. Arrow et Knowles attrapent leurs vestes d'uniforme et filent vers leurs voitures respectives. Les inspecteurs traversent le centre-ville, voilés par une bande de brume jaunâtre, l'horizon vacille sous l'effet des nuages de chaleur. Moins d'une heure après le coup de fil, ils foncent sur l'autoroute en direction de North Hollywood. Take a look into some big gray eyes and ask yourself if you wanna make them cry. Looking out of them, it's just as well that you're gonna live to see it Pick a heart. Please don't break my pick a heart. Pick a heart. Please don't break my pick a heart. Why can't you look after yourself and not down on me? Do you have to try to piss me off? 'Cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big gay scene. Satisfied, and you might find in time it wouldn't feel so bad. After all, it doesn't take that much, and it would mean the song to me for you to lose the part that's still afraid and not prepared to see my big gay heart. Try to piss me off just 'cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big AC. Don't break my picky heart, picky heart. Please don't break my picky heart, picky heart. In the dark, my picky heart, picky heart. Please don't break my. Watch the valley burn like a slow dancer doing turns. My name was on every tongue, and all of the smoking ash like a memory of the time gone bad, hanging like a shadow. So light it up again, burn like a holy fire. Light me up again if it makes you feel free. Light me up again, call me a snake and a liar, and I will be the fire that keeps you warm. Matches to gasoline, I could not keep my fingers clean. Un autre jour, à une autre époque, dans une ville que ses crimes sombres et inquiétants avaient déjà rendu célèbre, l'enquêteur privé Philip Marlowe monta les marches en bois rouge de sa petite maison d'Hollywood Hills, s'accorda un verre d'alcool bien serré et tendit l'oreille au grondement des voitures qui passaient en contrebas dans la vallée. J'ai regardé l'éclat de la ville en colère par-dessus les collines, les sirènes de la police et des pompiers hurlaient puis s'apaisaient au loin sans jamais se taire complètement. À chaque heure du jour et de la nuit, il y a quelqu'un qui court et quelqu'un d'autre qui tente de l'attraper. Aujourd'hui, un demi-siècle après que Raymond Chandler a écrit Le Grand Sommeil, à chaque heure du jour et de la nuit, il y a encore quelqu'un qui court à Los Angeles. Le nombre d'assassins s'est multiplié dans cette ville tentaculaire et celui des enquêteurs à leur trousse également. Cependant, une chose n'a pas changé. Une unité spéciale de la police installée au cœur de Los Angeles et dont l'autorité s'étend dans toute la ville est toujours chargée d'enquêter sur les meurtres les plus violents, les plus complexes, les plus subtils. Cette unité porte le nom d'Homicide Special. La police locale renvoie à Homicide Special tous les meurtres qui impliquent des célébrités. Homicide Special récolte les meurtres du crime organisé, les tueurs en série, les affaires qui exigent un niveau d'expertise élevé ou une technologie sophistiquée. Qu'un chef de police considère un meurtre comme une priorité et l'affaire arrive à Homicide Special. Parce qu'elle est spécialisée dans la traque de meurtriers très particuliers, c'est l'unité parfaite pour Los Angeles. Vacillant sur le bord du continent, la ville a toujours été ce bastion urbain conçu dans la violence, nourri à la malhonnêteté, engraissé par la corruption, miné par la haine raciale et marqué tout au long de son histoire par des crimes abjects. Thank you. 19e siècle, on tenait Los Angeles pour la ville la plus meurtrière de l'Ouest, un havre pour desperados en tout genre, joueurs invétérés, escrocs et autres déséquilibrés. L'unique chef de la police à mourir dans l'exercice de ses fonctions fut assassiné en 1870. Les journalistes de la côte Est proposèrent de rebaptiser Los Angeles Los Diablos. En 1900, LA était une ville de 100 000 habitants, suffocante, dont l'approvisionnement limité en eau empêchait l'extension. À l'origine de l'explosion démographique de Los Angeles, l'événement même qui lui donna la stature d'une mégalopole ne fut pas autre chose qu'un crime. Les autorités municipales, sous de frauduleux prétextes, exproprièrent les fermiers d'Owens Valley et les repoussèrent à 375 km de la ville, puis ils siphonnèrent leurs réserves d'eau, enrichissant ainsi une poignée de notables avides de profits immobiliers. at this. You see the light of the razor in the dark. In the dark, I just go, go up and dance. The soul gets eaten up. Parted faces in your nightmare. You are always asking, always thinking twice. You always want to know, is something like guilt in your heart? So ring out, screaming creatures over you. So ring out, taking your souls and shadow on. Dark overnight, you hear the knocking and the burning hats, and you feel the pain in your holy soul. You see the light of the razor in the dark. In the dark, light is cold, cold of a mess, so gets eaten up. Blighted faces in your nightmare. You are always asking, you always thinking twice. You always want to know, is something like guilt in your heart? Dès que l'eau y coula, les foules affluèrent à L.A., aimantées par la promesse de jours ensoleillés, de nuits douces, de brises océaniques et par le parfum des orangers en fleurs. Mais sous les palmiers et les bungalows pastels au gazon impeccable grouillaient la rage et le ressentiment des déracinés, dont les tourments ne fondaient pas au soleil brumeux de la ville. L'augmentation de la criminalité servit de contrepoint à l'utopie vendue par les autorités municipales, survoltées et les entrepreneurs immobiliers mal intentionnés. Quant au paysage subtropical inoffensif, il montra également son caractère violent, assailli de tremblements de terre, d'incendies sauvages, d'inondations torrentielles et de glissements de terrain meurtriers. You could hear the offbeats pound as they raced across the ground. And the clatter of the wheels as they spun round and round. And he galloped into Market Street, his badge upon his chest. His name was Ernie, and he drove the fastest milk cart in the West. Now Ernie loved a widow, a lady known as Sue. She lived all alone in Lily Lane at number 22. They said she was too good for him, she was haughty, proud and chic. But Ernie got his cocoa there 3 times every week. They called him Ernie. And he drove the fastest milk cart in the West. She said she'd like to bathe in milk. He said, all right, sweetheart. And when he'd finished work one night, he loaded up the cart. He said, you want it pasteurized, cause pasteurized is best. She says, Ernie, I'll be happy if it comes up to me chest. That tickled old Ernie. Ernie! And he drove the fastest milk cart in the West. Oh. Now Ernie had a rival. An evil-looking man called Two-Ton Ted from Teddington, and he drove the baker's van. He tempted her with his treacle tarts and his tasty oatmeal bread, and when she seen the size of his hot meat pies, it very near turned her head. She nearly swooned at his macaroon, and he said, now if you treat me right, you'll have hot rolls every morning and crumpets every night. He knew once she sampled his layer cake, he'd have his wicked way, and all Ernie had to offer was a pint of milk a day. Poor Ernie! Ernie! And he drove the fastest milk cart in the West. One lunchtime, Ted saw Ernie's awesome cart outside her door. It drove him mad to find it was still there at 4:30. And as he leapt down from his van, off blood through his veins did course, and he went across to Ernie's cart, and he didn't half kick his horse, whose name was Trigger. Trigger! And he pulled the fastest milk cart in the West. Now Ernie rushed out into the street, his gold top in his hand. He said, if you want to marry Susie, you fight for her like a man. Oh, why don't we play cards for her, he sneeringly replied. And just to make it interesting, we'll have a shilling on the side. Now Ernie dragged him from his van, and beneath the blazing sun, they stood there face to face, and Ted went for his bun. But Ernie was too quick, things didn't go the way Ted planned, and a strawberry-flavored yogurt sent it spinning from his hand. Now Sushi ran between them and tried to keep them apart, and Ernie pushed her aside, and a rock cake caught him underneath his heart. And he looked up in pained surprise, and the concrete hardened crust of a stale pork pie caught him in the eye, and Ernie bit the dust. Poor Ernie! Ernie! And he drove the fastest milk cart in the West. Ernie was only 52. He didn't want to die. But now he's gone to make deliveries in that milk round in the sky, where the customers are angels and ferocious dogs are banned, and the milkman's life is full of fun in that fairy dairy land. But a woman's needs are manifold, and Sue, she married Ted. But strange things happened on their wedding night as they lay in their bed. Was that the trees a-rustling, or the hinges of the gate? Or Ernie's ghostly gold tops a-rattling in their crate? They won't forget Ernie. Ernie! And he drove the fastest milk car in the West. Thank you. Dans les années 1930 et 1940, la face sombre de la ville inspira fortement le roman noir, engendrant des écrivains tels que Chandler ou James McCain et une flopée de films aux accents nihilistes. Pendant cette période, Los Angeles fut le théâtre d'un nombre croissant de meurtres sadiques et sophistiqués. Le LAPD ne tarda pas à confier ses crimes à une brigade spéciale du centre-ville, composée des inspecteurs les plus talentueux et expérimentés de la police. En 1947, cette brigade, qui devint par la suite Homicide Special, enquêta sur le meurtre non élucidé le plus atroce de l'histoire de la ville, un meurtre qui ternit à jamais le mythe d'un Los Angeles paradisiaque. Le cadavre nu d'Elizabeth Short, une apprentie comédienne de 22 ans, fut découvert dans un terrain vague, envahi par les mauvaises herbes, soigneusement coupé en deux au niveau de la taille. Ses organes avaient été retirés, son corps vidé de son sang. Un sourire éternel lui fendait le visage. Sa robe noire moulante et sa chevelure bouffante, teinte en noir, lui valurent le surnom de Dahlia Noire. Yeah. Des 50 autres années du siècle dernier, les inspecteurs d'Homicide Special enquêtèrent sur un nombre incalculable d'affaires célèbres, de l'overdose de Marilyn Monroe au massacre de Charles Manson, en passant par l'assassinat de Robert Kennedy. Pendant les années 70 et 80, ils arrêtèrent plusieurs tueurs en série qui avaient mis le peuple en émoi. Skid Row Stabber notamment, qui assassina une dizaine de passants, Koreatown Slasher qui tua 6 personnes et en blessa 7 autres. Sunset Slayer qui tua par balle 6 jeunes femmes avant de violer leurs cadavres. Ils s'occupèrent d'une pléiade d'affaires de meurtre avec plus ou moins de succès. Toutefois, leurs échecs furent rarement médiatisés et Homicide Special garda intacte sa réputation d'unité d'investigation d'élite forte des meilleurs inspecteurs de la ville. Oh. Cause the kids of Elmer Fudd to feed the farmers whose cadavers fill with onion rings and feet are filled with glue. Now sinister exaggerator, what's your claim to fame? Is still your favorite furling get defound in empty name? Your altar life is superseded only from above. Your heart is like a silken sponge that calls alive a love. Néanmoins, de brillants éléments issus d'autres unités de police avaient prédit certains problèmes. Homicide Special, disait-il, tournait au club du Troisième Âge, une fratrie d'inspecteurs plus tout à fait jeunes. Leur technique était dépassée, leur beau jour d'enquêteur derrière eux. Comme il y avait moins de travail, certains inspecteurs vieillissants passaient davantage de temps sur les terrains de golf que sur les scènes de crime. Ils s'occupaient de si peu d'affaires récentes que leurs aptitudes à l'investigation et leur expertise avaient rouillé. De surcroît, l'effectif se renouvelait peu et même les meilleurs des jeunes inspecteurs ne pouvaient entrer dans la brigade. Ces critiques se virent largement justifiées lorsque les corps de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman, tous deux tombés sous plus de 30 coups de couteau chacun, furent découverts dans la propriété de la première victime, un matin de juin 1994. Les autorités de la police confièrent l'affaire à Homicide Special, escomptant un travail d'investigation exemplaire. Or, pendant le procès d'O.J. Simpson, l'époux de Nicole Brown, le pays entier regarda le spectacle des avocats de la défense mettant à mal les enquêteurs d'Homicide Special et leurs conclusions approximatives.